La délégation de l'Association de médecine des Coréens au Japon, conduite par son président Kang Yong-bu, est arrivée le 1er mai à Pyongyang pour participer au 19e séminaire de médecine de Pyongyang des Coréens de l'intérieur et de l'extérieur du pays.